Alors, donc, on vous propose évidemment de passer sans aucune transition immédiatement aux questions que vous souhaitez poser à nos invités. Et on va tenter de déborder un tout petit peu, quitte à se faire virer avec l'accord du chef du service image animée. Donc, cela va. Voilà. Donc, voilà. Allez-y surtout pour vos questions. La parole est à vous. Et peut-être d'ailleurs des questions d'invité à invité, j'imagine, il pourrait y en avoir aussi. Moi, je voulais bien demander à la personne, à Marie-Thérèse, c'est ça, tout, les vidéotracks dont vous parliez, est-ce qu'il en reste ou... Je ne sais pas. Il faudrait que je vérifie, que je puisse les regarder, les bandes. Or, il m'a été recommandé de ne pas les toucher. Les transferts vont être faits... sous peu. Je n'ose dire de date, je me tourne vers Alain, surtout pas devant vous non plus, donner une date précise, mais les transferts de tout ce que vous nous confierez à la BNF, bien sûr, seront ensuite consultables. Tout ce qui est transféré par les soins de la BNF, ensuite, est effectivement consultable à l'espace recherche, donc entrée de jardin de la Bibliothèque nationale, donc voilà, site François Mitterrand. Et c'est le cas, de toute façon, toutes les vidéos quasiment dont on vous montre les extraits sont déjà sauvegardées dans les fonds de la BNF et donc accessibles. Bien sûr, le but aussi du carnet de recherche, ça va être de constituer une filmographie, des références, pourquoi pas d'ailleurs indiquer des cotes effectivement d'accès après dans les fonds de la BNF, c'est des choses dont il faudra qu'on discute. Mais tous ces éléments que l'on vous projette aujourd'hui sont déjà d'ores et déjà disponibles. Oui. Moi j'aurais une question à poser à Anne-Marie Martin par rapport aux accords avec l'INA là, dont vous parliez pour le Portugal. Comment ça se passait finalement? Est-ce que c'était de l'ordre de la relation personnelle avec quelqu'un? Oui, c'est avec ça, qui oui. Voilà. Ah, il s'appelle Fals. Ah oui, Henri Fals. Oui, en même temps, c'était quand même un peu une politique de l'INA, puisque oui, nous, on a bénéficié à Marseille. Par contre, j'aimerais bien savoir s'ils ont les bobines, parce que c'est en fait, on a redonné des bobines filmées. Oui, on a fait la bêtise de les rendre. Ah, nous, on les garde. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'était le film dont vous donniez une copie. Oui, plus les roches, on a rendu les roches. Ah, et plus les roches, d'accord. Oui. Oui, non. On a rendu les bobines, en fait. Ah, donc c'était plus libéral. Non, mais ça a été, on aurait pu ne pas les rendre. Hein. Vous n'avez pas gardé une copie au moins du montage? Si, on a les copies des montages, mais on n'a pas plus les roches, parce que c'est des super scènes. Comme Marche aux bestiaux, il y avait plein de scènes actuellement, c'est vrai qui auraient été intéressantes. Mais c'est vrai que le fait, c'est qu'on effaçait beaucoup, quoi. Mmh. Il faut peut-être dire que... aujourd'hui, en vidéo, on considère qu'on peut tourner pendant des dizaines d'heures. Mmh. À l'époque, les bandes, même les cassettes, étaient rares et chères. Mmh. Hein? Je parlais de notre présence à Valrogue en 75. Les bandes ont été effacées par nos profs parce qu'il manquait de support magnétique pour faire d'autres choses. Ainsi que des sketchs. Là, j'y pensais tout à l'heure quand tu parlais de construction de genre. On avait un groupe d'amis qui était au Phare. Alors, je sais pas si ça vous évoque quelque chose. Homosexuel d'action révolutionnaire. Homosexuel d'action révolutionnaire. Et donc, on allait dans les cinémas d'art et d'essai et on filmait des sketchs qui faisaient. Alors, ça donnait. Vous changez de sexe, changez de Kelton. Alors, c'était un public qui venait voir, je me rappelle très très bien, Ma nuit chez Maude, et qui tombait sur la bande de grandes folles en train de faire des parodies, des colandimes ou des. Et ça, pareil, ça a été effacé. Bon, notre grand regret des années après, parce qu'il n'y avait pas. Il n'y avait pas, quoi. Il n'y avait pas de bande. En fait, nous, on réutilisait les bandes déjà tournées de vidéos Lyon souvent. Mmh. VL1, VL2, jusqu'à la deuxième, troisième génération. Oui, quand même. Ce qui n'était pas bon non plus. Ah ouais. Non, c'est vrai, les bandes étaient fragiles. Ouais. Est-ce qu'il y avait une connexion entre différents réseaux à l'époque? Ben oui, vous connaissiez déjà. Oui, moi je connaissais. Nous, c'est souvent vu à Marseille, mais moi je connaissais Vidéo 13, Jean-Louis Porte, ouais. Et moi je connais très bien Monique Eco, dont parlait Marie-Thérèse, qui est toujours avec nous à RL Vidéo. Enfin, puis quand on se déplaçait, on allait voir les collectifs qu'on connaissait. Mais qui restent dans dans un secteur régional, on va dire. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu, quelle remontée il y a eu sur des mouvements nationaux? Attends, nationaux, ça veut dire quoi? Justement, ensemble de régions. Non, je tiens à préciser que je suis aussi plutôt issu des régions. Oui. Et donc, pour moi, un rassemblement national, c'est aussi un rassemblement des régions qui peut se faire à Paris ou ailleurs. Oui. Est-ce que vous aviez justement des rassemblements Alors, est-ce que vous avez participé à des festivals, enfin des choses comme ça? La fédération des quartiers, des vidéos des quartiers. Oui, on a participé, mais on a participé à construire la fédération des vidéos des pays et des quartiers, qui est maintenant une des fédérations nationales de télévision locale, dans lesquelles on est toujours... Il y avait ces lieux-là de... Et puis il y avait toutes les rencontres de femmes. Moi, je suis allée à Toulouse, à la grande rencontre sur la recherche. À 81, femmes féministes de recherche. Mais il y avait quand même, si je puis me permettre, comme vous venez de l'exprimer, un certain anti-parisianisme, on va dire. Est-ce qu'il y a eu des festivals qui se sont organisés auxquels vous avez participé, où vous retrouviez d'autres groupes, d'autres régions? Non, il n'y avait pas de festival, parce qu'il n'y avait pas d'argent pour organiser des festivals. Enfin, mon souvenir, c'est qu'on se connaissait. Moi, je connaissais plein de vidéastes à Paris qui faisaient des films. On a déposé nos films au centre, à Monneuil d'abord, puis au centre audiovisuel Simone de Beauvoir. Et on prenait le train. Il y avait déjà Créteil, quand même, il y a le festival. Il y avait le festival de Créteil, il y a le film de femmes. Et on rencontrait aussi des collègues de Parisiens à Digne ou à Hyères, où il y avait des festivals fort importants. Hein. Et Montbéliard. Moi j'étais beaucoup à Montbéliard. Le premier festival de vidéo art de Montbéliard. Oui. Il n'y avait pas cette césure entre l'art, le militant et tout ça, puisque cette machine était une machine nouvelle. Tout le monde s'en emparait, et même les gens qui l'avaient apprivoisé, on va dire, dans des luttes un peu plus sociales, militantes, ont pu, par exemple, nous, on a filmé les arts performance avec différentes personnes à Lyon, par exemple. Différents artistes d'art performance, parce qu'il n'y avait que nous qui avions le matériel disponible. Il y avait aussi cette possibilité, comme il y avait ce matériel et qu'il était assez rare quand même à cette époque-là, donc était invités dans des lieux un peu différents. Il me semble que les rencontres croisées comme ça de réseau se faisaient plus par les thématiques que par l'audiovisuel. Oui, c'est ça, j'allais le dire aussi. Voilà, par exemple, l'antipsychiatrie. Après, ça s'est institutionnalisé ou ça s'est organisé par l'audiovisuel. Par exemple, l'antipsychiatrique a participé à créer le festival de Lorquin sur l'image et le travail social. Le festival de Sceaux dont on a parlé, enfin de Créteil puis de Sceaux. Le festival à Amsterdam. Et après, il y a eu le SAS quand même. Pendant que les uns montaient la bande à lumière, les autres s'organisaient dans les télévisions régionales. Moi, quelques-uns, s'être beaucoup vus et croisés à l'USAS, qui était quand même la naissance du documentaire comme film. C'était ça le slogan, le documentaire est un film. Ouais, c'était Marcel. Et juste une question spéciale, je voulais juste savoir, parce que Vidéo 13, quand on pense à Vidéo 13, on pense toujours à Apple II, qui n'est plus d'ailleurs propriétaire. Mais comment ça s'est passé un petit peu au niveau des passages de... Ça a été très progressif. C'est vrai qu'il y a eu, selon nous, le premier noyau, c'était Jean-Louis Porte et nous deux. Après, c'est vrai que ça s'est branché rapidement avec d'autres réseaux. Donc, il y a des gens qui étaient à Marseille, qui étaient à la Fédération des Centres Sociaux. Il y avait Robert Holzer qui était assez... Il y avait des gens qui étaient dans les réseaux MJC. Il y avait un journaliste. Il y avait un journaliste de l'agence de presse Libération. Durand. Il y avait Paul Sadoun, effectivement. Dominique Gibraille qui a fait un peu le lien aussi entre les... Et qui ensuite a été à l'INA. Il y avait, à qui je pensais, là, du coup, ça m'est sorti de l'esprit. Oui, il y avait un ou deux ingénieurs du Centre technique de l'équipement, vous allusions tout à l'heure. Bon, et en fait, quand même, c'était assez compliqué d'être basé à deux ou trois endroits, au moins deux. Donc il y a eu une brève période où on a fondé Vidéo 13 Aix, Vidéo 13 Marseille. Et en fait, la branche Vidéo 13 Marseille, à laquelle appartenait Paul Sadoun et d'autres, est devenu Vidéo 13 Productions, puis 13 Productions, et puis maintenant, c'est d'autres gens qui ont repris 13 Productions. Et la branche Vidéo 13 Aix, en fait, c'est devenu RL et Clivage. Et on a beaucoup fonctionné en parallèle, évidemment. Il y a une époque où on achetait des matériels complémentaires. Oui. Et là, le clivage. Hein. Évidemment, c'était malin. On avait eu des subventions des deux côtés. On ne pouvait pas acheter les mêmes choses. Non. J'ai plus exactement deux remarques. Une sur justement la professionnalisation et la pérennisation des structures. Il y a vraiment presque deux écoles. C'est intéressant qu'il y ait des structures qui se soient arrêtées et d'autres revendiquant un peu soit leur professionnalisation, soit leur pérennisation, ont pu fonctionner. C'est vrai qu'à Paris, il y a aussi. D'ailleurs, la bande à lumière vient de toutes ces structures qui se sont voulues pérennes. Et donc, c'est vrai que là, il y a un pont qui a été fait. Ce que moi je trouve très intéressant, c'est que les structures qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas voulu passer le pont de 81, en gros, je pense, le pont de l'apparition de la VHS, la suppression des ciné-clubs, etc. Et l'apparition de la télévision, la revendication aussi qu'on a eue de faire passer les films du côté de la télévision, qui est à mon avis à la fois un grand progrès et une grande erreur. C'est-à-dire, le documentaire, c'est la télévision, c'était pour le slogan de Canal Plus. À l'époque. Et effectivement, du coup, l'étau s'est refermé sur tout le travail que vous avez expérimenté et essayé de défricher, et qui s'est complètement refermé après, puisque aujourd'hui, on commence à voir réapparaître des financements pour faire des films qui n'auraient pas de diffusion télévisuelle. C'est-à-dire que de 85 à maintenant, l'année dernière, il était absolument plus possible de trouver des financements institutionnels, ministères, etc., si, et télévisuels, s'il n'y avait pas de diffusion télévisuelle. Alors qu'avant, y compris dans les ministères, avant, il y avait jusqu'en 85 le fonds de soutien, et donc il y avait quelques possibilités de faire le documentaire. Moi, j'ai bénéficié, par exemple, même en 79. Et ça s'est complètement perdu. L'autre remarque que je voulais faire, c'était par rapport à la revue Interférence. Oui. Qui est quand même, effectivement, une revue. Moi, je trouve très importante aussi. Et surtout, je ferai la remarque que c'est dans ce noyau de la revue Interférence, c'est institué et fondé le mouvement des radios libres. Oui, oui, oui, c'était très lié. Là. Oui. Donc, ça fait partie aussi de tout ce travail de prise de parole d'une manière plus large. Je voulais réagir à ce que vous venez de dire, ça me paraît tout à fait correspondre. C'est pour ça que moi je suis repartie sur le Super 8. C'est-à-dire qu'à la fois le groupe vidéo n'a plus continué, mais aussi parce que le noyau central du groupe, qui était un couple d'origine, s'est disloqué. Et donc l'engagement avec la CFDT s'est disloqué également, parce que la CFDT a pris des positions qui ne nous correspondaient plus, et donc on a abandonné ce travail avec la CFDT. Et moi j'ai continué tout le travail que j'avais commencé avec le mouvement des femmes, mais à partir de là j'ai commencé le Super 8, parce que le Super 8 était beaucoup moins coûteux. Hein, j'ai acheté une caméra Beaulieu, bon ça c'était très cher, c'était très beau, elle est toujours là d'ailleurs. Mon fils veut pas que je la donne, parce qu'il me dit que c'est mon livre. Là, le matériel de montage, tout était beaucoup plus simple, tout était. Et donc là, c'était faisable avec très peu de moyens et avec un groupe plus restreint et moins de. Voilà. Donc, c'est vrai ce que vous dites. D'une part, la VHS, il n'était plus question de réinvestir dans un nouveau matériel alors que le groupe se disloquait. La CGT, c'était plus notre référent. Et donc, du coup, moi, j'ai trouvé le biais du Super 8. Voilà. Et maintenant, j'ai repris depuis peu à nouveau un peu le tournage. Je fais avec du numérique, évidemment. Et là, c'est vraiment le bonheur. Un ordinateur et une petite caméra toute petite qui pèse rien, que vous pouvez emporter dans votre valise et où que vous alliez, c'est magnifique. Quand je me souviens des grands magnétoscopes qui me cassaient le dos, ben c'est quand même autre chose qu'on a comme moyen, et même comme coût. Le coût du numérique est beaucoup moins important que ne l'était ce que nous faisions en vidéo. Et puis aussi, ce que vous avez dit, votre remarque sur la professionnalisation. C'est vrai que le fait de se professionnaliser, ça donne des moyens aussi, et ça donne un objectif différent, parce qu'après, il y a les salaires, il y a tout ça à faire fonctionner. Et nous, on n'était pas dans cette dynamique-là, on n'a jamais voulu en être. Et donc, effectivement, c'est moins pérenne. Je suis d'accord avec vous, c'est moins pérenne. On est contraint de s'arrêter là. C'est un regret parce que je pense que nous n'étions pas tout à fait arrivés au bout de notre sujet, de tout ce que nous aurions aimé entendre de vous. Néanmoins, je pense que nous allons avoir l'occasion de vous réinviter dans de futures séances thématiques. C'est déjà prévu pour Anne-Marie Martin avec la séance sur l'IP, et ça sera le cas, n'en doutons pas, de chacun d'entre vous lors de futures séances axées sur tel ou tel sujet. La prochaine séance s'appelle Dispositif vidéo, contexte et discours. Patrice Flichy et Monique Martineau-Hembel seront invités. Ce sera l'occasion déjà de réembrasser un peu les acquis des précédentes séances, de faire un point d'étape. Pour finir, je voudrais vous remercier très chaleureusement au nom du groupe de votre présence et de l'immense intérêt de vos interventions. Et d'ailleurs, m'excuser aussi pour le problème de qualité sonore qu'on n'avait pas eu lors des précédentes séances, mais qu'on va essayer d'analyser parce qu'il y a eu sur les versions des films en langue étrangère doublée un petit problème, c'était limite audible.